Avant d'engager la discussion autour de cette thématique, la théologie du salut, il convient de rappeler, récapituler un peu, pour permettre aux primo-arrivants, aux novices, de se joindre correctement à nous. Et comme on ne m'avait pas permis la dernière fois de construire un cours en bonne et due forme, dès les cinq premières minutes, on a commencé à poser des questions, à tacler. Donc on va essayer de reconstituer les morceaux du puzzle. Et surtout, celles et ceux qui se sont rendus coupables de ce forfait qui nous aide à récapituler. et de rien oublier. Donc, on avait commencé par dire que la foi, la confiance, notre confiance, en ce jour de l'outre-monde, ce jour de la comparution ultime devant Dieu, Allah, pour lui rendre des comptes, ça fait partie des éléments fondamentaux, des valeurs cardinales de notre foi. Et ça s'est énoncé depuis le préambule, depuis le Fatiha, première sourate. La première sourate, elle contient les ferments, si vous voulez, fondamentaux de l'islam. La connaissance de Dieu, l'obligation, lui, Seigneur du monde, qui nous pourvoit en toutes choses pour nous permettre de vivre physiquement, moralement, éthiquement. Donc il mérite de notre part qu'on lui offre exclusivement notre amour, notre culte, et ça s'annonce depuis le début. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Et pour dire que cette vie, elle n'est pas son but, son finalité, Allah, il annonce de suite qu'il est le suzerain, le souverain du jour du jugement dernier. Donc après ce plus ou moins long séjour ici-bas, à vivre cette épreuve, on est obligé de finir par rencontrer Dieu pour avoir les notes, pour avoir les évaluations, et c'est lors de ce jour de l'outre-tombe, si vous voulez, l'au-delà. Et dans cette sourate, Allah, il nous a montré le chemin, le meilleur chemin à suivre, c'est le chemin de l'adoration, de la purification, tout en restant au plus près de lui, à lui demander son aide, son assistance. Il n'y a qu'un na'bud wa il n'y a qu'un nasta'in, pour nous maintenir sur la voie droite, jalonnée par les lois, la charia, la loi de Dieu, à l'image, à l'exemple des gens pieux, ladina an'amta alayhim. Donc, il nous renvoie à l'histoire, les récits. Le Coran, il regorge de récits, justement, qui nous font la peinture, la narration des gens qui ont réussi ou échoué cette épreuve. Voilà. Et ça, si vous voulez, ce sont les valeurs fondamentales. Et même dans les plis, si vous voulez, en filigrane de cette sourate, on trouve aussi plein d'autres éléments. On ne va pas faire l'exégèse de la sourate Al-Fatiha pour nous dire que les sources de l'égarement, le fait de se détourner du droit chemin mentionné par cette sourate, c'est ou bien des causes intellectuelles, opacité, manque de perspicacité, de lucidité. C'est abdallin, les égarés, en méconnaissance de cause. Ils ne savent pas donc qu'ils se sentent égarés. Après, on va voir dans la théologie du salut, ne savent pas, ceux qui ne savent pas, il y a savoir, et ceux qui ne savent pas, après avoir consenti, si vous voulez, les efforts, pour acquérir un savoir, pour chercher un but, un sens à cette vie, et les autres qui qui se la sont coulée douce, voilà, qui n'ont pas fourni d'efforts et qui se sont laissés entraîner par le poids des pulsions, des passions et des besoins de la chair au détriment des besoins de l'esprit. Et deuxième cause d'égarement, on peut s'égarer, on peut se détourner du droit chemin en connaissance de cause, on sait, mais à défaut de ressources spirituelles, d'avoir travaillé son cœur, ses ressources, on sait, mais on ne peut pas. On ne s'est pas donné les moyens pour conformer notre vie à cette règle coranique et cette règle dictée par le bon sens, parce qu'on a dit que Dieu nous a parlé sur trois registres différents, je ne vais pas redire, un registre révélationnel, Coran, avant le Coran, les autres traditions. Vous remarquez que chaque fois, je dis les traditions religieuses, je ne dis jamais les religions, parce que pour moi, la religion ne se conjugue pas au pluriel. Elle est unique. Inna dina inda Allah l'islam, il n'y a pas pluralité de, pluralité de traditions. Une seule religion déclinée en plusieurs traditions selon les contextes, les moments d'histoire, les populations et autres. Voilà. Et donc, on voit bien que la théologie du salut, elle s'inscrit depuis la préface coranique, le préambule. Hein? Donc, se concentrer, ce récapitulatif de ce que Dieu veut décliner, expliciter tout au long de la révélation coranique. Parce qu'on voit que tous les cordes hein, qui tiennent cette sourate tirent depuis ses premières valeurs, si vous voulez, ses premiers principes. On ne trouve rien dans le Coran qui déroge à ces axes de la sourate Fatiha. Je rappelle que Cheikh Narahimallah Shirazi, il a commencé par ça et il nous a donné une vue d'ensemble dès le début parce que toutes les disciplines qui nous dispensaient gravitaient autour du Coran. L'histoire, le récit des prophètes, l'épreuve dans le Coran, l'argent, le bien dans le Coran, mais toujours dans le Coran. Il a commencé, je me rappelle, par Fatiha, par les axes fondamentaux de la Fatiha et tout ce qu'il a pu produire par la suite. S'inscrivait dans le prolongement de ses valeurs, esquissées en ébauche par cette première sourate, Al-Fatiha. C'est bon, Mustapha? Tu ne te sens pas dépaysé après cette longue absence, ça va? Allez, on essaie de rappeler un peu les... Hein? Bah, après, on a essayé de parler, de dire un peu les prérequis pour réaliser le salut éternel, pour obtenir l'agrément de Dieu mérité, le voisinage éternel, le voisinage paradisiaque éternel avec Dieu. Et on s'est posé quelques questions, quelques questions on a essayé d'apporter quelques éléments sur de réponse, telle que accès de temps, ou accès dans nous au salut éternel grâce à nos efforts, ou grâce à la grâce. Parce que le salut est l'effet de nos efforts personnels, hein, qui s'inscrit sur le mot de la méritocratie, celui qui mérite obtient, celui qui ne mérite pas est déclassé, ou c'est la pure grâce, générosité divine qui nous accorde le salut éternel. Et on a essayé de fouiner un peu dedans. Voilà, on a vu que la classification n'était pas aussi binaire hein, et bipolaire qu'elle n'y paraît en première approche. On a vu que après avoir argumenté en faveur de la thèse, de l'antithèse, on a essayé de sortir avec une conclusion, une synthèse, si vous voulez, qui exige les deux. L'agrégation de l'effort et de la grâce divine. Et on a cité plein plein de développement dans ce sens. Une autre question qu'on s'est posée, moi. On s'est posé la question de. Vous avez parlé beaucoup des HLI qui parlaient de est-ce que le jugement éthique est fondé rationnellement ou c'est l'exclusivité de la religion. Voilà. Et en conséquence de quoi? Parce que ce n'était pas une question qui s'inscrit en dehors du contexte. Le rapport de cette question, je redis la question. Est-ce que le jugement moral est le produit de l'intelligence humaine, du bon sens humain, tel qu'il a été livré par Dieu à l'homme, ou est-il le jugement moral, est-il le verdict exclusif de la révélation? Il n'y a que Dieu qui a le droit, si vous voulez, de dire le droit, de dire le mal, le bien, le beau, le laid, éthique. Et donc, et on a essayé de réconcilier entre les deux approches pour dire que Dieu, avant même de promulguer ses verdicts moraux, ses jugements moraux à travers l'Écriture, la révélation, il les a au préalable inscrits dans notre fort intérieur, avec le souffle qui nous a insufflé, la première fois qu'il nous a créés, en nous faisant à son image, donc nous sommes porteurs de cette révélation, des gros principes, si vous voulez, des grands actes de cette révélation, ce qui nous prédispose à recevoir la révélation. La révélation a été faite d'une manière proportionnée à l'entendement humain. Voilà. Et justement, pour nous permettre de le comprendre, Dieu, pour comprendre sa parole, ses décrets, les circonstances dans lesquelles il nous place, bah, il nous faut quand même une certaine ressemblance avec Dieu en miniature. Donc les qualités qui sont en Dieu infinies, elles sont en nous bornées par notre condition humaine. Donc, ce sont les signes que nous portons en nous et qui nous révèlent Allah. Et donc, les deux ne sont pas incompatibles. Avec le troisième registre, c'est le registre de la création qui est là à nous rappeler en permanence la majesté, la beauté, la splendeur de Dieu. Mais justement, la réponse à ce genre de questionnement prédétermine la réponse sur la responsabilité de l'homme devant Dieu. Est-ce que je suis responsable sur la seule base de ma fitra, de cette conscience qui m'a été offerte par Dieu? Donc, Dieu me demandera des comptes, combien même je n'aurais jamais croisé un livre, un prophète, un témoin. Vous voyez, il y a une implication directe, ce n'est pas une question sur des coussins en l'air, elle est en rapport direct avec notre problématique. Alors, si je décide que le jugement moral est du ressort de l'intelligence humaine, donc, de facto, je suis responsable devant Dieu. Je n'ai pas besoin de lire le Coran ou de croiser un tel shir ou un tel prophète ou de vivre dans telle communauté de foi. Parce que j'ai déjà en moi cette foi. D'accord? Et ça, c'est les mu'tazilites, en fait. Et ils citent à l'appui de leur thèse un certain nombre de versets dans celui de la fitra. وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. Et lorsque ton Seigneur tira des reins d'Adam sa progéniture, sa postérité, et les fit dans un moment prééternel, et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Donc notre adhésion à la Seigneurie de Dieu, on l'a en nous-mêmes. Voilà. Par rapport à ce pacte pré-éternel qui nous a été arraché. Voilà. Et ils répondirent, hein, ils Bala, Shahidna, mais si nous en sommes témoins, voilà, de ce pacte, de cette. Et plus que ça, là, il cite deux alibis qui vont être utilisés par ces gens-là. Et à Dieu de nous dire que la plaidoirie de l'homme conduite sur la base de ces deux éléments ne sera pas recevable. Antakoulou, li alla takoulou, afin que vous ne disiez point le jour du jugement dernier, on parle du jugement dernier, que on avait emprunté ce chemin par indifférence, par inadvertance, on n'a pas trouvé de guide, de témoin, hein, de coach spirituel. Premier alibi, irrecevable par Dieu. Ou taqulu innama ashraka aba'una min qablu wa kunna dhurriyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun. Et afin aussi de ne pas utiliser la plaidoirie, hein, la Russie, selon laquelle vous avez appartenu à des paradigmes hérités de génération en génération, et lesquels paradigmes excluent Dieu, n'est-ce pas, font le vide de Dieu, et vous n'avez fait qu'emboîter le pas aux aïeuls, aux parents, aux manitou, aux manipulateurs, à la bien-pensance, voilà, de votre siècle. Ça aussi, ça n'est pas recevable, eu égard à cette boussole éthique, morale qui est en vous. Elle était censée vous éclairer et vous dire que l'unanimité de façade, le consensus apparent contre Dieu, n'est pas fondé. C'est pas parce que tout le monde se rue sur l'athéisme, l'agnosticisme, hein, c'est le mot le plus à la mode, je suis agnostique, pour pas dire je suis athée, je suis agnostique. C'est pas parce que tout le monde a emprunté ces modes de pensée à la mode que vous serez dispensé de responsabilité devant Dieu parce que vous avez cette lumière en vous. Voilà. Donc les Mu'tazilites se fondent sur ça en fait. Vous voyez, l'argument il est très solide. Il est difficilement parable si vous voulez. Les Ash'arites, les nôtres, l'orthodoxie officielle, sunnite, absente. Il n'aime pas quand je dis ça. Non, c'est vrai. Voilà, l'acharisme d'État. Ah ouais, parce qu'il a commencé par un acharisme populaire et il a fini par être adopté par l'État. Acharisme de combat. Donc, stipule que non, on n'est pas responsable. Ce n'est pas nous qui sommes censés être à l'origine du verdict, du jugement moral. Je n'ai aucune capacité de dire que ça, c'est bien, ça, c'est mal. S'il n'y avait pas au préalable la révélation qui vient m'instruire, m'éclairer pour m'aider à distinguer entre ces lieux, hein, le halal, le haram, le bien, le mal, le mauvais, le faux, le juste, le vrai, le mensonge, la vérité. Moi, je ne suis pas du tout doté. Et ils citent à l'appui de leur thèse extrême, en fait, des versets que j'ai cités. « Rusulan, mubashirina wa mundhirina liyalla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da rusul » des messagers venant de Dieu pour annoncer la bonne nouvelle et pour avertir aussi de la fin tragique afin que les hommes n'auront point de justificatif devant Dieu. Donc, pour être responsable devant Dieu, il faut qu'il y ait l'envoi des messagers et prophètes. Donc, il faut que la personne rencontre ou bien le prophète, ou bien le livre, ou bien les suiveurs, les apôtres, ou les suiveurs que nous sommes tous, des prophètes. N'est-ce pas ? Et la personne qui nous croise et à qui nous dispensant ce savoir, elle sera, si elle ne suit pas les contenus de notre foi, elle sera condamnée devant Dieu. Mais sans cette connaissance, la personne, elle est mise à l'abri de toute responsabilité, de tout sort de questionnement. Et on a cité les maturidites, la troisième école, qui vient s'inscrire en médiane, en médiatrice, si vous voulez, entre les deux, pour dire qu'elle emprunte le choix des Mu'tazilites sur les grands axes, parce que quoi que l'homme développe de lucidité, de perspicacité, de bon sens, une boussole morale irréprochable, il sera toujours en deçà des détails de la foi, du culte, du bien et du mal. Les détails, je ne parle pas les grands axes. Et donc, pour ces détails, on a besoin de l'intervention du ciel, hein, de la révélation, pour nous éclairer sur les détails. Mais sur les fondamentaux, on est bien équipé pour déduire de l'existence d'un être suprême qui a organisé tout ça, créé tout ça, organiser tout ça et continuer à le pourvoir de tous les ingrédients, de toutes les provisions qui lui permettent sa pérennité jusqu'à ce que Dieu décide de laisser s'effondrer cette mécanique pluriverselle, pas universelle, des différents univers. Voilà. Mais pour les détails, les maturidites disent non, on n'est pas avec les mu'tazilites. On se reconnaît dans la doctrine ash'arite, dans les détails. On a besoin d'une intervention, voilà, de prophètes, de messagers, voilà, d'une formation, des éclairages pour nous mettre au fait de ces détails, de la foi, de la loi, de la voix, du culte. Bon, voilà. Très rapidement, bien sûr, je ne vais pas pouvoir redire tout ce que nous avons dit dans les deux heures. Mais si vous voulez, c'est à vous, surtout Ardiya Abdel Samad, en guise de punition. C'est qui a commencé. Non, moi, j'ai juste une question. Il me semble qu'il y a un savant musulman qui a écrit un roman philosophique justement sur Ibn Tufayl. Hay Ibn Yaqdan. Avant passe. C'est ça la traduction en français. C'est loin de Ibn Tufayl. Hein? Ouais. Ibn Pas. Comme Ibn Rushd à Béroès, Ibn Sina, Avicenne. Il se pose donc la question de quelqu'un qui. C'est le Maokli musulman. C'est le Maokli musulman. Oui, le Maokli musulman. Que j'ai fait cadeau à Marie d'il y a 3 ans. Elle n'a pas encore lu. Je fais la balance aujourd'hui. Tout le monde aura ça. Oui. Il se situe du coup dans, vous savez dans quel. Il est dans la perspective mu'tazilite. Hein. Ouais. Selon laquelle on est suffisamment pourvu en bon sens, en lumière interne pour pas avoir besoin de prophètes et de messagers. Voilà. Et en conséquence de quoi, on sera redevable et comptable devant Dieu, pas par rapport à notre connaissance de la révélation, mais par rapport à cette boussole morale que Allah a placée en nous. Citer aussi le verset de la sourate Al-Qiyama. Ouais, Al-Qiyama, on est toujours dans le jour du jugement dernier. Bal insanu ala nafsihi basiratun walau alqa ma'azirahu. Mais l'homme a au-dessus de lui une instance, un lampadaire, une centrale, un foyer lumineux, n'est-ce pas? Qui le guide, quoi qu'il fasse jouer sa capacité, l'homme, sa capacité dans la controverse, dans la polémique, hein, à vouloir plaider l'implaidable, défendre l'indéfendable, parce que l'homme, il est ainsi fait, et Dieu même nous, Il reconnaît ça de sa créature. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا إِلَّهُ. Dieu, salam wa barakatuh. Dieu nous décrit sa créature humaine, qu'elle est férue d'un grand professionnalisme en matière de polémique, de controverse. Elle a la capacité de transformer les réalités, hein, comme les magiciens, à coup d'éloquence et de montage démonstratif. Voilà. Et donc l'homme, quoi qu'il soit doté de ses capacités de controverse et de polémique, il aura toujours au-dessus de lui ce foyer lumineux qui le rappellera à l'ordre. Hein, tu peux convaincre, persuader tes semblables, mais ton imam intérieur, ton prophète intérieur, il est là pour te dire, ça tourne par an, tu es à côté de la valeur. C'est ça le verset coranique. Tu l'as trouvé, Ordia ? Pas trouvé. C'est dans Sourate Al-Qiyam, après la traduction. Là, ils le traduisent en disant bien plus, l'homme se constituera en témoin oculaire déposant contre lui-même, quelles que soient les excuses qu'il pourra par la suite présenter. Ah, Charles, ouais, c'est pas plus mal aussi. Non, mais la traduction, elle n'est pas loin de ce que je viens de dire. Sauf que lui, il place ça le jour du jugement dernier, comme c'est très souvent le cas dans le Coran, et qu'il fausse un peu. Certainement, mais ça ne sert à rien du tout. Si cette conscience n'intervient que le jour du jugement dernier, que tout au long de mon séjour ici, elle n'a pas dit le mot. Le traître mot, c'est... Tu vois ? Donc, elle n'a pas le droit d'avoir la parole, le jugement du jugement dernier. Dans l'avion, elle a cette conscience qui... Exactement. Voilà. Et le jour du jugement dernier, elle nous dira, voyez-vous, donc, tout au long de votre vie, je vous picotais, je vous rappelais à l'ordre, mais vous n'avez jamais obtempéré, vous ne m'avez jamais prêté votre oreille, l'oreille de votre cœur, et là, je vais plaider contre vous. Ah ben, pas que elle, même les membres, tous les éléments qui ont été mis à contribution pour commettre, pour faire entorse à la règle morale, se constitueront témoins contre la personne. Didier, ça va ? Oui. Marhaban, bienvenue. Après, on s'est posé d'autres questions ? Parce que là, aujourd'hui, c'est le moment des questions. Il y avait une question qu'on devait travailler. C'était dans le cas de ces quatre cas, le salut final est-il envisageable ? Donc, tu avais défini les quatre situations. Soit on avait, dans première situation, la foi sortie d'une bonne action. Et tu nous avais cité un verset à lire qui était la sourate 41, le verset 30. Quoique ce cas de figure, on l'a bien traité lors du premier cours. On a parlé de la foi, de l'effort, pas que de ça, de la grâce de Dieu. On est allé dans les détails. Hein. Ensuite, le deuxième cas, c'était ni foi ni bonne action. Le verset associé, c'était la sourate 58, verset 19. Mais qui dit quoi ? Il donne en français, mais pour les autres, parce que tout le monde n'a pas eu le... Mustapha aussi. Mais je ne sais pas s'il a pu lire ça. En fait, c'est le diable les a dominés et leur a faublé leur appel d'Allah. Ceux-là sont les parties du diable et c'est le parti du diable qui sont assurément les perdants. Voilà. Donc, ni foi, ni loi, ni roi. Après, il y avait troisième situation... La foi, mais pas de bonnes actions. Donc là, il y avait deux versets dans la sourate 9, le verset 102 et le verset 106. Oui. Ah, pour le. Qu'est-ce qu'on a cité comme. Qu'est-ce qu'on a proposé la foi sans bonnes actions, c'est ça. Donc, d'autres ont reconnu leur péché, ils ont mêlé une bonne action à une autre mauvaise, il se peut que Dieu revienne vers eux. Dieu certes est pardonneur pour nous. D'autres attendent le décret de Dieu, soit qu'il les châtie, soit qu'il revienne à eux, Dieu est omniscient et sage. Les deux de la sourate 9. T'as ou pas? Le dernier cas, pas de foi et des bonnes actions. Donc là, on avait la sourate 24, verset 39, et la sourate 25, verset 23. Donc le verset 39, c'était « Quant à ceux qui ont les crues, leurs actions sont comme un mirage dans une plaine désertique que la soifée prend pour de l'eau. Puis, quand il y arrive, il s'aperçoit que ce n'était rien. Il trouve Allah qui lui règle son compte en entier, car Allah est prompt à compter. » Il y a encore un autre cas de figure dans le manuscrit que tu avais envoyé. C'est si une personne dispose d'une foi libre, d'une foi, pas comme la nôtre, en fait, est assortie de bonnes actions. Et là, du coup, les versets que tu avais cités, c'était « Certes, ceux qui croient, ceux qui pratiquent le judaïsme, ceux qui sont chrétiens ou sabéens, quiconque croit en Dieu et au jour dernier et pratique le bien, ceux-là trouveront leur récompense auprès d'un Seigneur, ils ne trouveront ni crainte ni affliction. » Dans Baccarat 62. Il y a deux autres versets encore. Il est dit, ô gens du livre, vous n'avez aucun appui solide tant que vous n'observez pas la Torah, l'Évangile et ce qui a été révélé par votre Seigneur. Ce qui t'a été révélé par ton Seigneur accroît pourtant la rébellion et la mécréance de beaucoup d'entre eux. Je t'afflige donc pas au sujet des mécréants. Le dernier, c'est lequel? Excuse-moi, j'étais en train de donner le. Dans la cinquième sourate, versets 68 à 70. Ouais, voilà. Après, c'est certes ceux qui croient les juifs, les sabéens et les chrétiens, tous ceux qui croient en Dieu et au jour dernier et agissent selon les vertus ne connaîtront pas la peur, ils ne seront pas affligés. Nous avons conclu l'alliance avec les fils d'Israël et nous leur avons envoyé des prophètes. Mais chaque fois qu'un envoyé est venu à eux avec un message contraire à leur penchant, soit ils l'ont traité d'imposteur, soit ils l'ont tué. C'est le dernier mail. Je voulais pas l'avoir. Bah, écoute, il y en a que tu boycottes. Attends, vous avez l'a reçu. C'est bien. Je pense que vous avez. Ah, ça me surprend. Non, mais vous avez la liste de tout le monde. Hein. Normalement, c'est bien. Ouais, moi, j'avoue, j'ai pas payé. Hein. Ça doit être lié. Non, mais attends, ça m'interroge. Vous recevez jamais les mails? Si, si. Mais si, pas celui-là. C'est le mail depuis. Il y a deux semaines. Oh, bon. Désolée. Non, vous, je vérifierai peut-être. Ouais, ça m'étonne. Je sais qu'ils ont reçu le fichier, mais j'ai pas eu le temps de vous. Bah, calme-là, Didier. N'est-ce pas? Bref. Désolée si je me suis. Non, si ça se trouve, c'est moi qui m'a lu. C'est le seul document, en fait, envoyé. Ouais, il y avait un fichier jaune, mais j'ai pas ouvert. D'accord. Mais vous voyez que le. Cette typologie, elle n'est pas, c'est une typologie intellectuelle, sorte de gymnastique intellectuelle. Mais sinon, si on commence à scruter de très près, les catégories ne sont pas aussi, aussi évidentes que ça. Parce qu'on dit pas de foi et des actions, de bonnes actions. Est-ce compatible? Une foi sans action. Est-ce compatible? Et qu'est-ce qu'on met sous le vocable foi? Moi, j'écris comme ça se pose dans notre théologie. Hein. Sinon, après, on a le droit de critiquer. C'est du logos, c'est du discours humain. On a le droit de critiquer les différentes typologies. Parce que pour moi, une foi, elle commence par un aspect d'adhésion intellectuelle, spirituelle, mais après, juste après, immédiatement, elle est censée être prolongée par des actions. Et dans le Coran, on voit cette manière de définir la foi tout au long du Coran, en fait. La foi dans le Coran, ce n'est pas une adhésion intellectuelle à Dieu ou à une religion. C'est vraiment un engagement intellectuel, oui, mais aussi spirituel, comportemental, sociétal. Et il y a une perméabilité entre les différents aspects de cette foi. Lorsque Dieu, par exemple, dans la sourate Al-Baqarah, lorsqu'il fait changer d'orientation aux musulmans. Au début, ils s'orientaient lorsqu'ils faisaient la prière. Ils s'orientaient. C'était un ijtihad au début. Il n'y avait pas de la prière. Elle a été révélée à l'époque médinoise. L'époque mécoise, il n'y a pas de révélation dans ce sens. Et donc, le prophète, avec les compagnons, ont fait cet ijtihad. Et ont essayé de reconduire la prière telle qu'elle se faisait avant la dernière mise à jour de la parole de Dieu. Et ils se dirigeaient vers Al-Quds, Bayt al-Maqdis, jusqu'à la révélation coranique qui vient changer. Vous voyez que ce n'est pas une abrogation. Les défenseurs de la thèse abrogationniste, ils utilisent cette... Parce que là, il n'y a pas une abrogation d'un verset par un verset. Il y a une abrogation d'un ijtihad humain, d'un comportement, par un verset. Parce qu'au début, il n'y a pas de verset qui donne une orientation. Très souvent, on nous dit, l'abrogation, pourquoi ? Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que j'allais dire ? Oui. Et, à un certain moment, Allah, un certain nombre de juifs, connaisseurs du livre et des ruses, des techniques dialectique, si vous voulez, dans la mise dans le doute des autres. Ce sont des maîtres en la matière. Donc, ils ont commencé à dire aux compagnons du prophète, expliquez-vous, ou bien votre première orientation était juste, et donc tout ce que vous avez offert à Dieu comme prière a été accepté, et cette nouvelle orientation est fausse, ou bien c'est le contraire. Ce que vous faisiez était nul et non venu, obsolète, et ce n'est que maintenant à partir de ce verset que vous êtes placé sur la bonne voie et dans la bonne direction. Voilà. Et pour apaiser les compagnons du prophète, Allah dit « وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ » Allah ne saurait pas vous faire perdre votre foi. Et il a donné le label foi, il a qualifié une action par le mot foi. Il faisait la prière est un comportement, n'est-ce pas ? Une conduite, tu offres ton amour, tes mouvements à Dieu, mais ça reste une action. Mais Allah, lorsqu'il a qualifié la prière, il a dit, Allah ne saurait pas réduire à néant votre foi, donc votre action. Donc l'action fait partie de la foi. On ne peut pas dissocier comme ça, disséquer entre foi en lui donnant un a priori, une définition a priori, intellectuelle, foi, une adhésion théorique, et action, c'est les actes qui ne seront par la suite inspirés par cette foi. C'est enchevêtré, c'est entrelacé. Il n'y a pas de distinction, de possibilité de distinguer entre les deux. D'où le fait de dire qu'une foi sans action, ça ne peut pas se tenir, ni une absence de foi avec de bonnes actions. Mais s'il y a des bonnes actions en conscience, c'est que derrière, il doit y avoir une foi qui ne dit certainement pas son nom, que la personne n'arrive pas à exprimer, mais elle est là. Elle est enfouie, imprimée dans son cœur. Tu ne peux pas être dans l'élan de la charité, dans la disponibilité, entretenue toute ta vie, comme ça, sans faire plaisir à personne. Ce n'est pas vrai. Tu dois faire plaisir à un sentiment qui est en toi, et c'est ce sentiment qui mérite d'être appelé foi, en fait. Mais la personne n'a pas été suffisamment briefée ou ne veut pas, elle résiste, elle ne veut pas donner à ce sentiment le mot appartenir à Dieu, comme un certain nombre d'athées, parce qu'ils voient tellement de médiocrité chez les religieux qu'ils veuillent se maintenir à l'abri de la taxation, d'être taxé de religieux. C'est tellement bigot, tellement médiocre, la manière dont les religions pratiquent leur religion, qu'un certain nombre, ils ont honte d'adhérer à cette manière extérieur, si vous voulez, très extérieur de la religion. Dites-moi, dis-moi. Parce que c'est, du coup, je trouve, enfin, ça témoigne d'autant plus d'intériorité que les gens ne le font pas pour le paradis, pour l'enfer, ou pour, parce qu'on leur a dit que c'était bien ou mal, mais qu'en fait, finalement, c'est... Enfin, c'est là où je sens que c'est toute la question de la foi, en fait, qu'est-ce que c'est. Parce que du coup, c'est que, comme tu dis, intrinsèquement, enfin, ils savent que c'est pour le bon, pour le juste. Et finalement, c'est aussi la question, enfin, ça pose la question du salut, enfin, ça pose un peu la question du paradis et de l'enfer aussi. Parce que tu dis, si tu fais les choses pour aller au paradis, est-ce que finalement tu les fais de façon désintéressée? Parce que tu les fais parce qu'intimement t'es convaincu et que du coup, enfin, tu sais que la parole divine, elle, elle te conforte, en fait. Enfin, c'est... Moi, j'ai confronté même, il y a un ami arabe, mais plus musulman et pas pratiquant, qui me disait que le cœur de ce qui le dérangeait, c'était ça. C'était que quand on disait qu'un acte, il était moral, quand il était désintéressé, et que moi, si, en tant que musulman, quand j'aidais la vieille dame à traverser la rue, c'était pour avoir des hasanats, et donc j'étais clairement intéressé. Et ça, ça me dérangeait vraiment. Mais il a raison, parce que c'est nous qui avons donné... Au vocable hasanat, un aspect très matériel. Exactement, c'est ça. Très, tu vois, très sensible. Moi, j'allais te reprendre sur le mot paradis, enfer. Oui, je le fais pour le paradis et pour éviter l'enfer. Mais quel paradis, quel enfer? Ça commence immédiatement, n'est-ce pas? Le paradis, c'est ce plaisir que je sens après avoir... fournir de l'effort, avoir après m'être rendu disponible. C'est ça le paradis, c'est ce goût, c'est cette saveur. Et c'est la même saveur qui va être reconduite justement dans ce paradis qu'on a trop tendance à sensualiser, à matérialiser. Voilà, matérialiser. Et même l'enfer, quand c'est vraiment, ça nécessite une intuition, parce que l'enfer... On peut l'éteindre ici. On se pose la question, est-ce que l'enfer est éternel ou pas? Et Ibn Taymiyyah de dire, comme un très grand nombre de chrétiens, que l'enfer n'est pas éternel, contrairement à la doxa musulmane, pas sunnite. Sunnite, chiite, mu'tazili, tout le monde s'accorde à dire que l'enfer est éternel, comme le paradis, à l'exception de Ibn Taymiyyah et son... disciple Ibn Khayyam qui déroge cette règle, voilà, et il rejoint toute la littérature chrétienne en matière d'enfer. Mais si on lit, en fait, moi je vais m'inscrire loin des arguments avancés par Ibn Taymiyyah, juste un verset dans lequel Allah il dit: وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ شِدَادٌ غِلَاظٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Et mettez-vous à l'abri d'un enfer dans le combustible et fait d'homme, c'est-à-dire d'homme, de péché. Moi, si je cesse d'être égoïste, d'être méchant, bah, il ne va pas avoir son combustible, l'enfer, je l'étouffe par ma bonté. Et donc, et on esquive cette discussion philosophique, métaphysique, bah, mais les hommes, oui, ils sont capables de l'étouffer, cet enfer, s'ils commencent par l'étouffer ici même, immédiatement, en étouffant leur égoïsme, leur hédonisme, leur intéressement aux choses d'ici-bas, au détriment des choses éternelles, pérennes, de la vie pérenne, dans le voisinage de Dieu. Je ne sais pas si je me suis fait... Donc on peut le réduire à une construction de l'enfer, Hijara c'est tout, donc c'est le pourtour en pierre, et il n'aura pas de combustible, parce que les hommes ont décidé de ne plus le pourvoir en péché. Moi je pense que si tu détruis l'enfer, le paradis n'a plus de raison d'exister. Pas le détruire dans le sens destruction, tu le détruis... En ne pas, on n'a pas la possibilité, en s'inscrivant loin du péché. Ouais, mais c'est ça l'idée. Mais alors, pourquoi le paradis? S'il n'y a plus de péché, si... pourquoi le paradis? Justement, mais je n'ai pas compris. Moi, je pense que le péché est là, la tentation est là. Le mal, tu vas le combattre, tu vas essayer de t'en éloigner et tout, mais si tu éradiques le mal complètement... le bien ne pourra pas exister. Donc on compare toujours le bien par rapport au mal. Pas dans le sens d'éradiquer. C'est pas nous, de toute façon, c'est Dieu, mais il l'a placé en nous. On est prédisposé au bien comme on est prédisposé au mal. C'est en nous. J'ai dit dans l'effort qui est le nôtre, tu vois, on prive l'enfer de sa capacité de brûler. Mais c'est juste ça. Voilà, mais à mon sens, on ne pourra pas éradiquer la vie. À qui tu le dis, à qui tu le dis. Ça, on peut s'en éloigner, nous, personnellement, mais on ne pourra pas l'éradiquer. Je pense. Mais bien sûr, bien sûr. Mais c'est juste pour dire qu'on est responsable. Ce n'est pas quelque chose dans l'absolu. C'est les hommes qui sont responsables de l'existence de cet enfer. Bien sûr. Tu vois, il n'existe pas par sa force intrinsèque. Parce que si les hommes décident, c'est vrai qu'on ne peut pas devenir tous des anges. Mais je ne parle théoriquement. La faisabilité théorique de cette chose, donc on peut en faire quelque chose. Pas un frigo, mais un lieu qui ne brûle pas. C'est pas l'idée. C'est l'enfer de Edmond Kahn, puisqu'il dit qu'en fait, tu passes par l'enfer pour être pur au moment où... du coup, je comprends mieux quand tu dis que Edmond Kahn et Edmond Kahn disent que c'est pas éternel. En fait, il n'y a que eux qui disent que c'est pas éternel. C'est le seul, oui. Enfin, c'est une école qui dit parce que... À l'intérieur de l'islam, c'est la seule école, en fait. D'accord, ok. Parce que du coup, lui, sa vision de l'enfer, c'était de dire que, par rapport au péché, tu as différents fleuves, en fait, où tu te purifies, et l'enfer, c'est le dernier, quoi. C'est si tu t'es pas purifié par la repentance, par les bonnes actions, par... Il y a un troisième, enfin voilà, après, tu passes par le fleuve de... Par le purgatoire, versus chrétien. Oui, mais c'est le même. Je pensais pas que c'était unique, en fait. Enfin, unique. Tu vois que c'était marginal. Voilà, c'est juste pour cette typologie. Donc on disait qu'elle n'était pas aussi évidente que cela. On a sollicité des versets juste pour susciter la curiosité, mais sinon, c'est pas trop. Dans ce verset, MS, pour vous, c'est plus que les gens physiquement qui brûlent, mais c'est. Non, non, c'est les gens, pécheurs et pécheresses, pas. Mais les gens qui ont péché, pas les gens tout court. Mais s'ils ne pêchent pas, qu'est-ce qu'ils viendront faire dedans? C'est traduit d'homme et de pierre. Oui, et pierre, je dis, c'est juste pour... pour construire. Oui, ben c'est imagé, bien sûr. On aura la construction, mais pas l'auto-da-fé qu'il y a dedans, le brasier qu'il y a dedans. Moi, c'était par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, quand tu disais que... Il pouvait y avoir des bonnes actions, mais qui forcément il y avait un temps un peu de foi. Ah oui. Mais des fois, enfin, ça peut être possible que non, parce que des fois il y a des gens qui vont faire des bonnes actions, mais ça leur apporte un bien intérieur, ça va flatter leur ego. Flatter leur ego. Peut-être, mais du bien. Mais tu me dis que ça leur produit du bien, mais c'est voilà. Le paradis justement. On ne peut pas dire qu'on est. Désintéressés. Ça va être leur paradis à eux, propre à eux, sur Terre. Ils ne le conçoivent pas comme forcément un paradis. Ils ne le font pas dans le but d'une foi. Enfin, quand on parle concrètement avec un athée, quelqu'un qui ne croit pas, il va dire moi je le fais parce que ça me fait du bien. Alors je vais être gentil avec les gens parce que voilà. Et en retour, c'est le sentiment que ça va lui rapporter qui va faire qu'il va être bien. Enfin, je ne dis pas forcément une foi intérieure. Hein. Moi je dis une foi qui ne dit pas son nom, qui peut-être ne décrit pas un être suprême, mais il faut qu'elle existe. Mais de toute façon, on le sait, même la personne qui se dit athée, malgré elle, moi, en tant que musulman, si je discute avec Michel Onfray, je lui dis, tu es porteur d'une foi. Malgré toi, même si cela l'énerve, mais c'est ma foi qui me le dicte, tu vois, c'est ma révélation. Dieu, il l'a créé comme moi. Sauf toi, pour une raison ou pour une autre, tu n'arrives pas à donner un mot à cette foi, ça reste un problème qui est le tien. En revanche, Dieu nous parle des gens qui théoriquement ont cette foi, mais qui dans la pratique, ils ne la déclinent pas en charité, en bonhomie, en bonté, et il les qualifie de personnes qui rejettent la religion et qui rejettent... qui font la politique d'autruche, qui essaient de ne pas penser au jugement ultime. Ara ait alladhi yukadhibu bid-din. Vois-tu celui-là qui attribue de mensongère la religion, hein, qualifie de mensongère la religion, celui-là qui, et il lui donne sa définition. Et dans la définition, il fait la prière, sauf que il ne la fait pas respectueusement de ses plages, il n'est pas recueilli quand il l'a fait, donc il est distrait, hein. Il n'incite pas, non seulement il ne donne pas, il ne s'acquitte pas du devoir de solidarité, hein, mais il n'incite même pas les autres à le faire. Celui qui délaisse l'orphelin, qui n'incite pas à la générosité, qui fait la prière d'une manière inadvertante, pas recueillie, voilà, et qui va dans sa cupidité, sa radinerie, jusqu'à priver les gens des ustensiles, des simples ustensiles. Et les exégètes ont dit, pour l'ustensile, un peu de sel, le voisin, quand il lui demande un peu de sel, ou un peu pour fignoler une marmite, un plat. Et donc, non seulement il ne donne pas les choses importantes, et même les choses futiles, il est tellement enfermé dans son ego qu'il en est incapable de donner la moindre chose. Voilà. Ils ont la foi, de valeur, si vous voulez, une foi de valeur, hein, mais les actions ne la traduisent pas. Hein, et Dieu de remettre en cause l'existence de cette foi. Là, vous nous avez bien expliqué cette nuance de comment définir qu'est-ce que c'est qu'avoir la foi. Mais est-ce que si on veut plus approfondir cette question de la théologie du salut, et c'est parce que c'est très difficile de sortir de cette vision binaire du kafir et du mourmin, puisque même dans la révélation, quand celui qui répond au signe du divin, il est le mourmin, et celui qui ne répond pas, finalement, c'est lui, c'est le kafir. Et les savants, dans toute l'histoire, dans le statut légal du couple, ils ont beaucoup travaillé dessus, parce qu'il y a son importance dans le cadre du mariage, l'héritage, la mort, le rite funéraire, etc. Ils ont codifié un petit peu cette question du kofl avec différentes catégories, et ils définissent aussi ce qui fait qu'un musulman va sortir de l'islam. Celui qui va nier une partie des fondamentaux de l'islam, ils vont le faire sortir de l'islam, il va entrer dans du kofl. Donc ce musulman qui nie quelque chose, il peut être taxé de kafir. Donc a fortiori, celui qui ne croit pas du tout, il est dans cette perspective-là, forcément dans la case kafir. Et nous, on associe souvent iman et mu'min à donc, le salut, et le kafir, la perdition. Donc du coup, je trouve que c'est vachement difficile de... C'est un terrain glissant. Moi, j'ai déjà discuté avec des gens qui étaient convaincus kafir, ladina kafaru, ils vont en enfer, et c'est une certitude. C'est non négociable, il ne faut pas discuter, voir d'autres perspectives, ou suspendre notre jugement, parce qu'il y a ce schéma-là qui s'impose, et qui est difficile à dépasser. Marc Lof. Encore une fois, moi aussi je suis acquis à l'idée que le kafir, il n'aura pas son salut. Mais tout le problème réside dans la définition du kafir. C'est ça le problème. Tu vois, le kafir pour moi c'est celui qui reçoit une révélation en bonne et due forme par les gens, des gens exemplaires, mais qui ne vont pas être les repoussoirs, on ne sert pas du miel dans le petit pot, c'est pas ? Donc, faut pas que la personne aussi qui se rend témoin du contenu de la foi soit exécrable dans son comportement. Voilà. Donc si la personne et qu'elle ne souffre d'aucune anomalie intellectuelle, une tare psychologique qui fait qu'elle soit réfractaire. Oui, il y a plein de... Mais je peux étendre les bémols, si vous voulez. Signia, voilà, c'est une personne kafir, voilà, qui a renié. Parce que kafir, c'est... Yu'ajibul al-kuffar anabatuhu liyarida bihum. Donc, le kafir, c'est celui qui prend la graine, le grain, et qui l'enfouit dans la terre, qui le met dedans, qui le cache. Donc, le kafir, c'est ça. C'est au cœur, à la conscience de qui la vérité s'est dévoilée dans son plus beau jour, mais lui, par fainéantise, paresse, par attachement aux choses de l'ici-bas, bah ça le responsabilise, ça exige de lui des efforts, de déranger son train-train, sa routine quotidienne, et donc il repousse, il fait comme s'il n'a pas vu. C'est ça le kefir, mais la personne qui est en recherche. On va citer justement le paragraphe magnifique voilà, que j'ai utilisé dans le prêche de Massy, ce Jumu'ah. On a fait aussi la théologie du salut grand public, en fait, pas en club réduit. Et on doit impérativement distinguer entre un kefir muqassar et un kefir qassar. On n'a pas le choix. Et les versets sont là pour nous interpeller. Je vais traduire. Il faut être capable de distinguer entre quelqu'un qui n'aboutit pas à la foi, après avoir fourni, déployé tous les efforts intellectuels et spirituels, n'est-ce pas, pour y accéder, mais à la râle, il n'a pas pu y accéder. Il a été freiné. Donc, c'est la personne qui ne croise pas Dieu, pas à défaut d'avoir cherché, mais à défaut de ressources, tout ce dont elle disposait comme ressources, intellectuelles, spirituelles, rencontres, la circonstance de la vie, n'a pas permis de conclure. Voilà, tout le séjour ici-bas n'a pas été concluant. Voilà. Et donc, il va rencontrer Dieu avec cette curiosité qui le brûle, mais qui n'a pas entre lui une autre personne qui n'a rien fait, n'a rien fourni, n'a rien déployé dès le début devant la difficulté. Elle a baissé les bras, partisane du moindre effort. D'accord ? Voilà, elle a préféré se la couler douce, aller dans la pente descendante des besoins de la chair, des plaisirs hédonistes, parce que la pente ascendante, elle nécessite la réflexion, du temps à dégager, de la lecture, des confrontations, voilà, de secouer un peu son mental, son échafaudage intellectuel acquis. Il faut être courageux et le secouer un peu au risque de le faire écrouler entièrement et le reconstruire depuis les fondations. Donc, elle n'a pas fourni. À la première difficulté, elle s'est mise des œillères, elle a foncé dans l'hédonisme et dans la débauche et dans les plaisirs de la chair, dans l'égoïsme. Et les deux situations, je trouve, mais avec des mots coraniques, dans ce beau verset de la sourate An-Nisa, quatrième sourate, verset numéro, parce que je l'ai ici. Inna alladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Non? Eh ben non. Je suis obligé de... Hilatan. An-Nisa 97, 98, 99. Et après, vous pouvez vous faire plaisir de continuer. Il y a des très beaux versets après. C'est pas de l'Hijra. Parce qu'il est question de Hijra, justement, de l'exode, de fuir le péché, la débauche. Et donc Dieu nous dit, lorsque les personnes mourantes, qui rendent l'âme, et au moment de rendre l'âme, les, cortège angélique viendront récupérer cette âme après qu'elle soit tirée, extirpée par l'ange de la mort, un seul. Hein, dans un autre verset, il y a un seul ange de la mort qui arrache l'âme au corps, qui la dissocie du corps. Après, elle sera prise en charge par un cortège angélique selon son état. Selon son état. Et là, ce cortège angélique, dès réception de cette âme, ils s'écrieront, ils demanderont à cette âme, c'est quoi qui a fait que tu sois aussi pollué, aussi dégradé. Et la personne de répondre, nous avons été opprimés, persécutés. Donc on n'avait pas la possibilité de nous épanouir, la bien-pensance, hein, les manitous, les laboratoires de la manipulation, de la propagande, nous ont tellement souillés, rouillés, manipulés, que nous avons accordé plus de soins au corps qu'à cette intériorité. On ne l'a pas purifié, on ne l'a pas soigné. Et aux anges de leur répliquer, la terre de Dieu n'était pas suffisamment spacieuse pour y trouver refuge, asile, pour trouver des échappatoires loin de l'aisselle, hein, de la mise sous aisselle de ces tyrans, de ces inquisiteurs. Et au verset de conclure, à défaut de réponse, ces gens-là, ces personnes auront comme destination, résidence éternelle, le feu. Quelle malheureuse destination. À l'exception, c'est ça, entre quelqu'un qui s'est laissé détériorer, abîmer l'âme, sans rien faire, alors qu'il avait la possibilité, hein, de fuir le despote et de se constituer en petit effectif pour nourrir sa foi. Hein, il n'a pas saisi cette occasion. Et un autre qui, lui aussi, a trouvé la même fin tragique, sauf que cette deuxième catégorie, elle n'avait pas les possibilités. Il l'a mostré. À l'exception des opprimés, mais les premiers aussi étaient des opprimés. Mais il va les caractériser, ils ont ceci comme singularité, cette deuxième catégorie d'opprimés. Les deux sont des opprimés, mais cette deuxième catégorie d'opprimés, d'hommes, de femmes et d'enfants, « illa al-mustadafina min al-rijali wa nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabina » à l'exception d'hommes, de femmes et d'enfants, qui n'ont aucune possibilité, aucune ruse, aucun moyen pour esquiver, hein, le moyen intellectuel, spirituel, Dieu il a laissé ouverte, voilà, Hila, et pour trouver justement l'Ehtedouna Sabila, pour trouver d'autres lieux, il n'avait pas cette capacité de programmer, un projet d'émigration, hein, pour échapper de cette mainmise de ces tyrans et de ces oppresseurs. فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ. Ces gens-là, il se peut, vraisemblablement, parce que عَسَى, elle exprime la plausibilité, la vraisemblance. Ces gens-là, cette deuxième catégorie, qui n'était pas suffisamment équipée, n'est-ce pas ? Elle est arrivée à mi-chemin, elle n'a pas ses recherches, ses tentatives d'esquiver la manipulation n'étaient pas concluantes. Cette deuxième catégorie, il se peut vraisemblablement, donc un doute, mais vraisemblable, pas un doute, 50-50, c'est plus de 50%, vraisemblablement. À Allah, il se peut que Dieu leur fasse bénéficier de son pardon, hein, leur faire rémission de leur de leur péché. Aucun Allah afouan rafouna, Dieu. C'est ainsi que Dieu est tout pardon et voilà et tout miséricorde. Démunis de moyens, c'est les moyens intellectuels ou moyens financiers? C'est vague, on n'a pas le droit de restreindre, voilà, pour ratisser le plus largement possible. Donc, on voit bien que à fin égale à défaut de moyens, d'efforts, tu vois, on se trouve avec des rétributions différentes qui vont... d'un salut à son contraire, en fait. Ce n'est pas une mince affaire, ce n'est pas une différence de nuance, de degré, c'est une différence de nature. Les uns auront comme destination finale l'enfer et l'autre comme destination finale le pardon, donc le paradis de Dieu. Il y a cette catégorie de personnes qui n'ont jamais entendu parler de Dieu. On les place sous cela. Pour les questions, parce qu'on a posé pas longtemps. Il y a des régions encore dans le globe. C'est tout le développement, on est là. On est là. Mais le maître mot, si vous voulez, c'est il n'y a que Dieu qui puisse quantifier, n'est-ce pas, nos ressources spirituelles, intellectuelles, notre réservoir, si vous voulez, de rencontres, hein, les circonstances dans lesquelles il nous a mis et qui étaient ou pas favorables à une découverte de la foi, il n'y a que Dieu qui puisse juger de ces éléments très subtils. N'est-ce pas ? Et de le fait qu'il nous a démunis de ce jugement. Ce n'est pas à nous de juger les gens, c'est lui à qui appartiennent tous les éléments pour rendre d'une manière optimale le jugement. Le jour où nous établirons les balances les plus justes qui pèsent et qui mesurent au carat près les intentions, pas la pomme de terre, pas l'or, mais les carats de l'intention, de l'action, le jour du jugement dernier. Voilà un paragraphe, si vous voulez, qui peut constituer une conclusion, une synthèse. Et après, tous les versets, les autres qui parlent des gens du livre, on peut les insérer ici. Parce que Dieu, il parle des ladinahadou, des juifs, hein, des sabéens, des chrétiens, n'est-ce pas ? Avant eux, bien sûr, les croyants qui ont accordé leur foi à Mohammed, voilà, les premiers. Et tout ce bon monde, s'il croit en Dieu, au jour du jugement dernier, qu'il assortisse leur foi d'une bonne conduite, eh ben, ils mériteront le voisinage éternel de Dieu. Après, c'est à Dieu de les juger. Pourquoi n'avez-vous pas peaufiné le dernier segment et adhéré à Mohammed ? Donc ça, c'est pas à nous d'en juger. Juste, je termine ça pour pas que j'oublie. Et plutôt que de se poser la question curieusement morbide, quelle est la destination de l'autre qui ne croit pas comme moi, alors qu'il aurait dû croire, pas comme moi, comme le stipule le Coran, parce que moi aussi, je ne sais pas si je crois conformément au Coran ou pas, comme le Coran. Voilà. Au lieu de me poser cette question, il aurait fallu que je me pose une autre question. Qu'est-ce que moi j'ai fait comme bêtise, qu'est-ce que moi j'ai produit comme témoignage dissonant, repoussant, qui a forcé l'autre à esquiver ce chemin clair et évident, ces versets de Dieu, cette belle religion. C'est quoi qui a fait qu'il fuit à ce point cette religion? Qu'est-ce que moi j'ai dû faire, hein, produire comme tyrannie, comme despotisme, comme dictature, comme misogynie, comme sexisme, comme fainéantise, comme manque de goût pour le travail, comme éclatement de mes pays que c'est qui se réclament pour l'islam, que tout ça peut constituer tout cet écran, tout ce désastre, toute cette destruction peut quand même constituer pour le non-musulman qui n'est pas censé être dans le fond de la géopolitique, et se dira, peut-être que ce sont les chancelleries occidentales qui étaient à l'origine de cette destruction. Moi, oui, je le dirais, mais tout le monde n'a pas ce temps, ce budget temps pour aller dans le fond des choses et faire des analyses géopolitiques. On ne peut pas demander au barman du coin ou au boulanger, hein, chrétien de valeur, parce que même sa chrétienté, le pauvre, elle n'est pas bien fondée. On ne peut pas lui demander de laisser tout tomber et aller suivre des cours en géopolitique, faire bac plus 10, bac plus 30, pour comprendre que tout le mal de la planète vient des Manitou, des Illuminati, du sionisme, du chancelier occidental, de l'OTAN, du MEDEF. C'est compliqué pour lui, le pauvre, d'aller dans ces... N'est-ce pas ? Lui, il voit, il regarde et il est bien doté en jugement. Il dit, on reconnaît l'arbre au fruit, le fruit, il est pourri. Voilà. Et donc, l'arbre qui en a été à l'origine ne peut être que pourri. Voilà. Et le pauvre, il rejette cette religion. Voilà. Donc, c'est à nous, justement, de nous poser la question, qu'est-ce que nous devons faire, justement, pour essayer de donner notre témoignage, de rendre cette religion accessible aux autres, d'essayer de nous surpasser pour étouffer un peu cette dissonance, ces bruits qui empêchent l'autre d'être à l'écoute de Dieu. C'est pas ? Et Dieu sait qu'il y a plein de bruits quand même. Le bruitage dans le sens du signal qui empêche le signal de Dieu de masser, de faire cette masse avec cette fitra qui est en eux. Et pourtant, beaucoup de révolutionnaires font fi de cet état de fait et continuent à affluer sur l'islam. Ça, c'est la providence de Dieu et ça n'a rien à voir avec notre production mesquine et médiocre. Alors, la première question que je pose aux convertis qui viennent, aux convertis entre guillemets, c'est quoi qui fait que tu laisses le Dieu Touban, miséricorde, cette civilisation judéo-chrétienne prospère, et tu viens chez nous, hein, les dictateurs, les misogynes, pour un peu le... Voilà. Mais les gens, ils sont très lucides, et tu vois dans la réponse que c'est fitra, c'est cette lumière intérieure qui l'a aidé à transcender cette actualité qui laisse à désirer. Allez, je vous laisse. Vous m'avez pris la parole la première fois, je vous la prends aujourd'hui. Je vous donne. Moi, j'ai juste une question. Non. Non, mais c'est une question par rapport à ce que tu as dit. Tu as dit le café au Mont Khassal et Khassal. Mais après, tu as donné deux définitions, tu n'as pas raccordé chacun. C'est vrai. Khassal ou le Mont Khassal. Donc, on a dit le Mont Khassal, c'est le premier. Donc, le Moustadrafine, qui n'ont rien fait et ils n'ont pas répondu. On a accepté cette condition de vassalité, de suivisme, voilà. On a suivi la mode, les paradigmes, la bien-pensance, la mode. Voilà. Les seconds, non, ils ont essayé de résister, mais ils étaient démunis. Voilà. Ils n'ont pas, combien même ils ont essayé, ils n'ont pas pu échapper à cette... Voilà, s'affranchir de ce joug, si tu veux, qui les domine. Et tu les nommes kafirs, quand même. Moi, je n'en pas, parce que dans le verset, on n'a pas parlé de... Oui, kafir, pour moi, c'est un vocable qui recouvre plein de réalités. Mais si, et pour moi, c'est une clé exégétique. Si on ne prend pas la mesure de la richesse de ce vocable, de sa plurisignification sémantique, si vous voulez, on se méprendra sur un très grand nombre de versets coraniques. Et les anciens, ils n'ont pas, si vous voulez, on a trouvé ce souci chez Abu Hanifa, mais pas chez les autres. Abu Hanifa, il a fait ce travail de raffinement du vocable kafir. Par exemple, au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la yuqtalu muslimun bi kafir. On ne va pas appliquer la loi du talion dans une vie. Ça va vous choquer, ce hadith. Voilà. Oui, dans une vie multiconfessionnelle, où les maîtres sont les musulmans, c'est la majorité qui dirige. Hein, comme aujourd'hui, ce sont les non-musulmans qui dirigent, et nous, la minorité persécutée. Voilà. Et on dit à nos concitoyens, nous, pas dans l'ivresse du pouvoir, mais si, un peu triomphaliste, ivresse du pouvoir, leur dit, il y a un hadith qui stipule que lorsqu'un musulman, un citoyen musulman, met à mort un chrétien ou un juif, ou un masdéen, hein, on ne lui applique pas la loi du talion. On ne la lui applique, cette loi du talion, que s'il met à mort un musulman comme lui. « La yuqtalu muslimun bi kafir » On ne tue pas un musulman pour un kafir. Que je peux traduire par non-musulman. N'est-ce pas? Et ce n'est pas moi qui ai traduit comme ça, c'est les trois écoles, à l'exception des hanafites. Donc ils ont pris le kafir comme un mot bateau qui... À chaque fois qu'il est utilisé dans le Coran ou le Hadith, il recouvre toujours la même réalité, c'est faux. Commençons, c'est Abu Hanifa qui a commencé, le premier, par pointer ce dysfonctionnement. Il dit non, c'est pas vrai, comment ça? On leur donne l'accueil, on les protège, ces gens-là, ils s'acquittent de leur devoir de solidarité, il y a un verset, mais s'ils ne s'en acquittent pas, on les punit comme les musulmans qui ne versent pas la zakat, parce que... La bonne gouvernance musulmane est fondée sur la solidarité et elle ne peut pas honorer cet engagement si elle ne prélève pas de l'argent des riches pour le reverser aux pauvres. C'est impossible. Dieu ne va pas lui envoyer de l'argent, des chèques à donner aux gens. Il faut que le pouvoir central, entre autres, il y a plein de valeurs qui constituent cette bonne gouvernance, on a essayé d'expliquer ça dans un module, entre autres, la solidarité entre différentes couches sociales qui constituent le tissu social. Et donc, on leur prend tout, hein, comme les musulmans sont engagés, et on en fait des citoyens de second degré, de deuxième zone, comme on le dit nous, musulmans aussi, ici, hein, des citoyens de deuxième degré, troisième degré, jusqu'à, subhanallah, à faire fonctionner cette justice à vitesse inégale. Lorsqu'un musulman tue un musulman, on le tue. Et lorsqu'il tue un non-musulman, on ne le tue pas. On vient juste le réprimander, le gifler, peut-être l'interner quelques mois. Hein? Le menacer s'il récidive, on risque de le priver d'argent. Je ne sais pas moi, des tazir. Pas plus que ça, il n'y a pas un had. Il n'y a pas un had, c'est l'autorité qui choisit au gré. C'est l'arbitraire. Abu Hanifa, il a dit, ici Muharib, il ne peut s'agir que du non-musulman qui déclare la guerre contre le musulman. Et oui, dans une situation de guerre, tu ne peux pas appliquer la loi du talion. Tu ne peux pas dire au musulman, allez, va en guerre pour protéger une parcelle de terrain, pour venir en assistance à quelqu'un qui est mis en danger, parce que le djihad, c'est surtout ça. Voilà. Aller secourir des populations persécutées, et lorsque un vrai moujahid, dans la mort, hein, dans ce combat honorable, tu lui demandes de... tu le tues, c'est un non-sens. Et Abu Hanifa, donc, il a tourné ce hadith, de cette manière, de dire que le kafir, c'est le muharib, c'est le non-musulman qui nous déclare la guerre, dans une situation de guerre, pas le non-musulman qui vit pacifiquement avec nous et à qui nous avons donné tous les gages, toutes les garanties de la citoyenneté. Vous voyez? Et pourtant, la majorité, Malikite, Hanbalite, Chavite, tout ce bon monde était d'accord sur... l'aspect sur la signification littéraliste obvie du hadith. Voilà, absolument, c'est juste pour dire que le kafir nécessite de notre part, selon et au gré des contextes coraniques, hein, à lui donner le sens qui lui convient, qui lui sied dans ce contexte, pas être dans la généralité. C'est un peu pareil pour les autres mots aussi, non ? Boucherie, aussi, aussi, oui, mon affaire, on le sait, de par la tradition du prophète, il y a mon affaire et mon affaire. Il y a une hypocrisie qui concerne la foi, une hypocrisie qui concerne juste le comportement. Le fait de promettre et de ne pas honorer sa promesse, le fait de mentir et récidiver dans le mensonge, le fait de, tu vois, le prophète nous dit que la personne qui s'en rend coupable n'est pas mon affaire, mais ce sont autant de signes d'un hypocrite. Ce sont des signes d'hypocrisie à essayer de, voilà, de s'en détourner. Donc, faire ce peu. Inch'Allah, 20h40, il y a beaucoup de barakas dans ce cours. C'est peut-être dû aussi au long entretien que j'ai fait à l'ISTR avec Colette et Christophe Roucou, ça m'a lessivé. Mais ils veulent faire un dossier dans leur numéro, Chemin de dialogue, ils ont une revue mensuelle sur l'ijtihad, sur la réforme en islam, et ils ont demandé à plusieurs acteurs musulmans de produire des articles, et comme moi je n'écris pas, donc ils m'ont coincé dans un entretien. Ils m'ont... Et pourquoi vous n'écrivez pas ? Je ne peux pas, je n'ai pas le temps. Donc, ils ont demandé à Tal Kobrou, il a produit un écrit, à Ral Benchir. Et moi, ils ne m'ont même pas demandé parce qu'ils connaissaient ma réponse. Mais face à ces gens-là qui ont des idées qui peuvent être intéressantes, on n'adhère pas toujours, mais c'est bien d'avoir aussi une voix. Ça, je l'ai fait. Je l'ai fait sur le mode de l'interactivité. Donc, ils vont faire la synthèse et m'envoyer l'article. Et moi, je corrige et je l'envoie, c'est mieux. Parce que s'ils comptent sur moi pour écrire, ils peuvent. Toujours attendre. Hein? Ah, mais si on fait quelque chose sur le mode d'interactivité, je suis partant, bien sûr. Hein? Pour les personnes qui se sentent. Honnêtement. Hein? On peut le faire. Je l'ai commencé avec Renaud d'il y a 10 ans, mais on a. Comment? Avec Renaud. Mais comment ça se passait? Il t'a interviewé? Oui, exactement. Mais... Et je l'ai découragé, le pauvre. Tu veux écrire à l'oral. Voilà. Produire de l'oral et la personne en face de le traduire en écrit. Tu sais que c'est pour ça qu'on t'enregistre, et ça peut traduire en écrit directement. Oui, oui. Oui, je connais le... Via Voice, oui, c'est vieux, mais ils ont dû le mettre à jour. Hein. Via Voice, c'est ça. Ah, je vous laisse échanger, hein. C'est votre tour normalement. Depuis le début, c'était votre tour. Je vous ai pris. J'ai rattrapé mon retard. Moi, ce que j'ai pour moi, c'est Mohamed Razali, il a distingué trois catégories de personnes. Donc, il y a ceux qui ont suivi le prophète. Ils rentrent dans le registre d'office. Il y a ceux qui n'ont jamais entendu parler ni n'ont rien reçu du prophète. Il dit que ceux-là aussi rentreront au paradis. Et ceux qui ont entendu parler du prophète mais qui ne l'ont pas suivi, ceux-là aussi vont rentrer, mais c'est parce qu'en fait, lui, il explique qu'ils ont entendu, comme du fait qu'entendre que Dajjal existe, ou entendre quelque chose, mais pas forcément recevoir le message qui va avec. Et donc il dit que ces gens-là aussi rentrent. Mais tout le monde rentre, les trois catégories. Ouais, les trois catégories. Allez, Alhamdoulilah. Non, mais après, il y a des distinctions. C'est son soufisme qui a fait qu'il soit aussi magnanime. Pour le verset tout à l'heure, là, dans la surat Baqara, par rapport aux Sabéens, aux vieux chrétiens, juifs, Baqara, et Maïda aussi, Maïda 69. Maïda aussi. C'est d'actualité, où il parle des personnes qui ont suivi leur prophète et leur livre. Est-ce que c'est ceux qui associent ou ceux qui... Ou est-ce que jusqu'à aujourd'hui, les personnes qui sont chrétiens ou sabéens, ou je ne sais pas ce qu'ils sont, si ils ont le comportement et qu'ils suivent, continuent à suivre leur livre, ça adhère à l'islam, ils font toujours partie de... Avec toujours ces bémols, bien sûr, pourquoi tu n'as pas suivi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que normalement, des gens qui sont dans cette dynamique de foi, de piété, d'effort entretenu, il est très difficilement imaginable qu'ils vont refuser de suivre le prophète par entêtement. Et s'ils ne le font pas, c'est quelque part qu'ils ont leur raison. Et leur raison, c'est nous. Tu vois, c'est notre réalité qui laisse à désirer. Voilà. Et donc s'il n'y a pas entêtement, s'il n'y a pas dévoilement de cette vérité et le fait de la repousser, oui, ils sont toujours concernés. Pourquoi vouloir mettre un ultimatum, si tu veux, hein, à l'applicabilité de ce verset? Ouais, il transcende les temps. Après, si on lit le Coran, ça c'est un verset que j'ai utilisé lorsque j'ai assisté à la messe d'un père blanc qui est mort, qui était un ami, et qui lui-même utilisait ce verset. Il me dit, Abdeslam, tes amis musulmans me disent que je suis voué à l'enfer. Et moi, je leur sors ce verset, pour dire que si on est dans la foi, et dans une dynamique, dans une ferveur spirituelle, on rencontrera Dieu en bon terme. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? On essaie d'échanger autour de ce quelqu'un qui était très, très lucide, très perspicace. Et donc, à sa mort, j'ai été invité justement parce que c'était un ami de faire un discours funèbre, avec la kyrielle d'évêque qui était là. Et j'ai sorti justement ce paragraphe, mais pas tout le paragraphe, pas tout le paragraphe, je ne pourrais pas le dire devant la dépouille de l'hyper blanc. Ya Isa ibn Maryam, c'est le dernier paragraphe de la sourate al-Maïda. Ya Isa ibn Maryam, anta qulta linnas ittakhidhuni wa ummi ilahayni min dunillah. Oh, toi Jésus, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi et ainsi que ma mère comme divinité en lieu et place de Dieu? Et Jésus de lui répondre, non Seigneur, il ne m'appartient pas de dire à ton détriment des choses qui ne soient pas vraies. Mais de toute façon, si je l'avais dit, tu l'aurais su. Toi, tu sais ce qui est en mon sein, et moi, je ne sais point ce qu'il y a dans ton sein. Voilà. Et j'ai continué à être le bon témoin de ta splendeur, de ton unicité, aussi longtemps que j'ai vécu d'entre eux. Mais lorsque tu m'as rappelé vers toi, tu étais seul à les contrôler. Moi, je n'étais pas d'entre eux. C'est-à-dire, la chrétienté trinitaire, elle s'est produite après moi. Moi, de mon vécu, je n'ai pas assisté ni participé à ce genre de... Voilà. Jusqu'à ce qu'ils disent, Dieu... Il fait dire justement à Jésus dans ce dialogue impressionnant, in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Donc si tu leur pardonnes, venant de Jésus, il va pas lancer des paroles comme ça, n'est-ce pas? Si tu leur pardonnes à ces gens-là qui se sont trompés de formule, en fait, parce que ce qui est critiqué, après je vais m'expliquer si vous voulez. C'est surtout la formulation de la quidité de l'entité de Dieu, hein, cette consubstantialité entre Dieu et Jésus, c'est ça qui est refusé par le Coran. Et même si on n'adhère pas à l'idée de la consubstantialité, c'est-à-dire les deux substances, comme disent eux, sont dans le même être, même s'ils n'adhèrent pas, le simple fait de formuler cette manière floue, elle est refusée par le Coran. Parce que Allah, il veut qu'on l'appelle, le qualifie comme lui, il aime être qualifié. Ouais. Même si on a de belles intentions à son égard, Dieu, mais si on formule d'une manière qui n'est pas agréable à Dieu, ça le courrouce, Dieu. Chez nous, chez une partie des soufis, des mystiques musulmans, ils en sont arrivés à dire que je suis Dieu, mais ils n'avaient pas dans un état extatique, si vous voulez, d'ivresse spirituelle. Ils sentaient Dieu partout, ils se sentaient guidés par Dieu, ils ne bougeaient rien du tout sinon par Dieu, comme ça a été dit dans ce hadith Qudsi. Donc, celui qui déclare la guerre contre un de mes amis, il me déclare la guerre moi-même, et il donne la définition de son ami dans un hadith. Mon ami, hein, persévère dans les actions que j'ai rendues obligatoires pour lui. Donc, il accomplit les obligations et il va au-delà des obligations pour être dans le surrogatoire, pour mieux se rapprocher de Dieu. Et il persévère, il abonde dans ce sens du surrogatoire après s'être acquitté de l'obligation, du devoir, jusqu'à ce que je devienne l'oreille avec laquelle il écoute, l'œil avec lequel il voit, les mains avec lesquelles il attrape, il se bat, les pieds avec lesquels il se meut, n'est-ce pas ? Donc, ses vœux seront les miens, n'est-ce pas ? Et quand il me demande refuge, abri, je le lui accorde. Hein? Et donc, il y a une sorte de confusion dans le sens d'anticiper sur Dieu, parce qu'on est tellement dans cette communion, dans ce recueillement, on a tellement développé cette ressemblance avec Dieu, n'est-ce pas ? Quand on se trouve entraîné dans cette dynamique, et les soufis, dans ces états extatiques, d'ivresse, ils appellent ça extinction, hein, le fana. Le fana, c'est l'extinction, s'éteint, donc ils perdent conscience, et ils se sentent entraînés par les flots de la divinité, par la main de Dieu. Et lorsqu'ils essayent de mettre des mots sur cet état spirituel transcendant, qui dépasse l'humain, si vous voulez, la langue, elle est incapable d'exprimer des choses métaphysiques, surnaturelles. Et donc, de facto, fatalement, ils se rendent coupables de blasphème, de formules qui tombent sous le verdict de la loi. De la loi exotérique, si vous voulez, n'est-ce pas ? Voilà. Et lorsque Sohrawardi, ce grand homme de l'islam, et l'Hallaj aussi, hein, ces grands hommes de l'islam, les pieux de chez pieux, chez les salafistes, ils les réduisent au kufr, ils disent des kufars parce qu'ils sont rendus coupables de ces blasphèmes. Non. Quand le vizir de Salah ad-Din Ayyub, Dhahr Bibras, a décrété, a fait un décret de mise à mort de Sohrawardi, le bourreau musulman, le pauvre, il était obligé d'accomplir son travail de bourreau. Après l'avoir mis à mort, un faqih de loin a dit: le mort est un shahid et celui qui a exécuté le mort est un mujahid. Vous voyez dans quelle contradiction on se trouve? Donc la personne qui a accompli la mise à mort, c'est un mujahid, parce qu'il a tué quelqu'un qui s'est rendu coupable de blasphème, hein, de formulation abusive contre Dieu. Et le mort, comme il n'avait pas cette volonté, cette intention d'offenser Dieu, son blasphème était un blasphème pieux, comme dit Pierre Laurie, un soufi français. Pierre Laurie. C'est émissionnant, Pierre Laurie. Pierre Laurie, apparemment. Il a. Oui. Il a écrit sur le Keshani, sur l'exégèse ésotérique. Donc, blasphème pieux. Donc, il a blasphémé par rapport à l'exotérisme, Mais par rapport à l'ésotérisme, par rapport à son intention, il ne voulait pas offenser Dieu. C'est juste les mots qui étaient incapables, parce que les mots sont humains, ne peuvent pas exprimer la réalité divine. Donc, voilà, et donc on se trouve dans cette... Pour dire que le Coran, il réfute cette formulation, Allah thalith thalath, et pourtant, lorsque tu prends n'importe quel chrétien pour te parler de Trinité, s'il y a 1 milliard de chrétiens, tu auras 1 milliard d'interprétations. C'est un lieu flou. Voilà. L'auteur de la somme théologique, saint Thomas d'Aquin, lorsqu'il parle d'attributs de Dieu, il dit qu'ils sont proportionnés à la raison, à l'entendement de l'homme. L'homme ne les refute pas. Quand il parle de Trinité, il dit c'est un lieu obscur qui ne concerne pas l'entendement humain. Donc saint Thomas d'Aquin, le plus rationaliste chez les chrétiens, parce qu'il était le disciple de la doctrine d'Averroès, d'Ibn Rushd. Voilà. Donc, pour dire que Allah refuse la formulation, mais ce n'est pas dit que ces gens-là ne croient pas en Dieu. C'est la formulation qui mécontente Dieu. Mais le contenu, la ferveur de leur foi, toutes les actions qui s'en suivent, tu ne peux pas réduire tout ça à néant. Et le Coran le dit justement sur la bouche de Jésus. « In taghfir lahum » si tu leur pardonnes, si... Non, « in tu'adhibhum » si tu leur en tiens rigueur, ne sont-ils pas tes serviteurs? Et si tu leur pardonnes, n'es-tu pas l'inaccessible, le tout sage, l'aziz, l'inaccessible, dans sa force, hein, al-hakim, le tout sage. Voilà, donc il y a cette porte entrouverte du pardon, voilà, par rapport aux chrétiens. Donc on ne peut pas les exclure de ça. J'ai du mal, cher, par rapport Dis-moi. À ça, justement, aux chrétiens. Est-ce qu'on doit, à chaque fois que dans le Coran on parle des chrétiens, est-ce qu'on parle des chrétiens qui associent à Dieu ou ceux qui n'associaient pas? Comme, par exemple, quand on parle des Ahl al-Kitab, les gens du livre, c'était ceux qui... Parce que Allah, il nous dit qu'il y a une partie qui sont sauvés et une autre non. J'arrive pas à faire le distinguo, en fait. Mais moi, je suis en train de dire que le fait d'être sauvé n'est pas uniquement lié à la formulation de Dieu. Comment dire Dieu? Mais elle est liée à d'autres paramètres aussi, à l'action, à la ferveur. Bon. Mais il se peut qu'il soit chrétien et qu'il n'ait jamais fourni un effort pour comprendre cette notion de Trinité. Il adhère à Dieu. Tu vois? Voilà, tu es pas le... Comme par exemple, là il parle du mariage avec une chrétienne, une juive. Donc là, c'est dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui a la foi, mais qui... Enfin, là, honnêtement, mais le Coran, il prend le soin de décrire, d'expliciter. Il dit l'essentiel qu'elle soit fidèle et qu'elle n'ait pas plusieurs partenaires. mais honnêtement, c'est le Coran, il ne cite que cette. C'est la vertu, c'est le fait d'être avec son homme, c'est tout. Après, on ne va pas fouiner dans sa foi pour voir est-ce qu'elle est chrétienne avant Vatican II, est-ce qu'elle est chrétienne après Vatican II. tu vois, ben, il y a 30 conciles qui sont passés par là, on n'est pas censé rentrer dans ces considérations. Et après, tu as raison. Un séjour, il faut qu'on essaie de prendre tous les versets qui ont parlé de la Trinité, de la divinité de Jésus, et déjà de les placer chronologiquement au bout du 4e concile, parce que après le 5e concile a été fait après la révélation coranique. Et donc, sur les 30 conciles, il n'y a que 4 conciles qui ont été concernés par les versets coraniques. Juste pour voir mieux et tous les correctifs, les rectificatifs, parce que la chrétienté se meut, si tu veux, se réforme à coup de concile œcuménique, n'est-ce pas? Et si le Coran la période de sa révélation, les 23 ans de révélation, ont coïncidé avec l'après-quatrième concile, donc tous les autres conciles n'étaient pas concernés par le... Juste pour voir mieux, mais pour... Mais qu'il y a une intemporalité du texte, ça veut dire que ça prend en compte même... Le... Potentiellement, oui. Potentiellement. Mais textuellement, si le Coran il parle de chrétiens, il parle des chrétiens qu'il connaît. Il ne va pas parler d'autres chrétiens. Mais, bien sûr, il faut que les textes soient suffisamment riches et ouverts pour concerner tous les chrétiens. Après, c'est un autre développement eschatologique que nous devons, nous, musulmans d'Occident, de développer. Parce qu'on parle de réforme de la chrétienté, c'est pas de réforme entretenue de la chrétienté jusqu'à l'arrivée de Jésus, c'est ça, le retour de Jésus. Et je pense, connaissant les habitudes de Dieu, qu'il fait les choses conformément à ce tissu de causes et d'effets, pas comme ça à transgresser la nature qu'il nous demande de respecter, hein. Donc, il se peut que notre existence ici, notre présence ici, à dialoguer avec eux, est de nature à les pousser justement à davantage de réformes, jusqu'à aboutir à ce point ultime de verser la bouteille de vin, de tuer le porc. Mais en même temps, il faut qu'on expose nos flancs à la critique aussi, hein, en même temps. De tendre vers ça, il faut accepter, de notre part aussi, de casser le quatrième mandat, cinquième mandat de Bouteflika, des gouvernances à vie dictatoriales, tu vois, misogynie, dictature, gouvernance tyrannique, arbitraire, tout ça. Donc il faut qu'il y ait une réforme mutuelle. Donc notre dialogue, il faut qu'il aide les uns et les autres à se réformer, pas à dire que il n'y a que eux qui sont censés être dans la réforme, parce que dans d'autres lieux, ils sont mieux réformés que nous. Donc on essaie de faire cet échange de procédés. Ça va, Mustapha? Tu as pu suivre? Oui. C'est pas trop difficile? Non, ça va. Alhamdoulilah. Voilà. Donc tu peux récidiver, tu peux t'absenter 5 mois et revenir. Alors, Fikoum, s'il n'y a pas de questions, hein, sur cette note eschatologique, optimiste. On va faire un petit doigt, Inch'Allah, et on va partir. C'est bon, il n'y a pas de questions. Didier, il ne va pas poser de questions. Il n'a même pas enlevé sa veste pour repartir très tôt. C'est hors contexte. Donc, rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Ça ? On improvise, enfin, on continue. Vous nous dites. Parce qu'on a fini les cycles. Voilà, on a terminé la formation. Par échange interposé, si vous voulez, vous nous dites sur quelle notion voulez-vous revenir. Voilà, quelle suite comptez-vous donner à cette format? Est-ce que vous comptez qu'on la reconduise? Voilà. On peut proposer des thèmes ou... Oui, si vous voulez. Pas. Moi, j'aimerais bien qu'on aborde le verset. Le chapitre médical. Chapitre médical. Oui. Tu peux proposer, mais tu essaies de mettre ça sous un format texte. Hein? Pas forcément, parce que là, j'ai vu un article, ça m'a marqué. Hein? Si vous voulez, si les uns ou les autres ont des propositions à faire pour le programme à venir, si vous voulez qu'on reconduise le programme, là, on suggère à Marie. Voilà. Faudrait voir un sujet qui intéresse un peu tout le monde. Personne centralise les remarques et les désirata de chacun et ensuite décider en séance de ce qui pourrait être. Et pourquoi pas un jour dédier une rencontre Pour échanger autour. Oui, oui. C'est juste mettre tout le monde en copie, ça peut inspirer les uns les autres. Voilà. Les gens pour pas avoir des redites et tout ça. Et donc vous disiez, bon, vous interrompez. Voilà, et on pourra dédier une rencontre. Avec Didier. Avec Didier. Pour échanger autour de ça, autour de ce programme. Ça, ce que sur les grands axes, si vous voulez. Charmant. Okay. On avait parlé des écoles. On voit beaucoup des écoles juridiques, mais on parle très rarement des écoles. Théologiques. Théologiques. Qui étaient absents quand on a parlé. Ah, vous l'avez fait ça? Les absents ont toujours tort. Non, mais bien sûr, on en a parlé dans le petit budget temps qui était le nôtre. Hein. On a parlé de Charstani, de la Chari, vraiment, on a donné. Mais on reviendra dessus, Inch'Allah. Inch'Allah. Ça aussi, je dois le faire. Je vous dois des traces écrites sur un certain nombre de cours que j'ai pas résumé. J'ai commencé au début, mais après j'ai été pris par le temps. Inch'Allah. Des résumés et des questionnements comme on l'a fait au début aussi. Inch'Allah. Barakallahu fikoum. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الله أدنو à être dans ton souvenir, dans le rappel. Installe-nous dans la reconnaissance et offre-nous de nous l'aisance à t'offrir le meilleur culte et le meilleur de nous-mêmes. Allahumma allimna ma yanfa'una, anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma accorde-nous une science utile, aide-nous à acquérir la science, rends-la utile pour nous, pour notre salut ici-bas et dans l'au-delà. Fais en sorte que cette science nourrisse nos cœurs, suscite en nous crainte et amour et espérance de te rencontrer dans les meilleurs termes. Allah, prémunis-nous, mets-nous à l'abri de la lâcheté, de la cupidité, de l'égoïsme, de l'attachement aux villes choses de l'ici-bas. Contente-nous du halal, du licite et détourne-nous du gain facile, des raccourcis à la réussite et à la richesse, indûment. Prémunis-nous, mets-nous à l'abri contre l'ignorance, l'illusion, la superstition, le retour d'âge, l'âge de la décrépitude. Fait que nous restions lucides jusqu'au dernier moment. Accorde-nous époux, épouse, Allah, enfants, progéniture qui constitue la satisfaction de nos cœurs, le rafraîchissement de nos yeux, et fait de nous tous les meilleurs exemples éthique à suivre. fait que nous ne soyons pas des repoussoirs qui rendent ta belle religion exécrable aux aux autres. Embellis nos cœurs par la douce foi et confiance en toi. Décore nos cœurs par la beauté de la foi et de l'espérance en toi. Rends exécrable à nos cœurs débauche, turpitude, injustice, fainéantise, corruption, par l'effet de ton infinie grâce et générosité. Aide-nous à accomplir la prière et à la faire aimer à nos enfants. Fais-nous rémission de nos péchés. Fais miséricorde à nos parents. Accorde guérison à nos malades. Miséricorde à nos morts. Miséricorde et pardon à nos morts. Délivre du joug de la prison les personnes injustement enfermées. Aide les endettés à s'acquitter honorablement de leurs dettes. Attendris les cœurs de nos gouverneurs à notre égard ou fais en sorte qu'ils ne soient pas dépositaires de cette autorité sur nous. Et aide-nous à réaliser toutes les choses qui nous tiennent à cœur et qui te sont agréables. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. On est gourmand, si on n'arrête pas, on risque de rester toute la nuit à prier. Il y a beaucoup de choses à espérer de Dieu. Salam alaikum, monsieur Mustafa. Avec l'Afrique pour ton retour. Moi, ça peut déranger comme ça. Ça peut déranger. L'examen ? Tu veux des jurys ? Tu veux la présence de jury ? Sama, tu vas pas jouer le rôle d'un jury avec Marie, parce que demain je l'examine, Inch'Allah. C'est son examen. Voilà. Et si vous acceptez d'être les jurys, pour attester de. Dans quel cadre, hein? Les capacités. Parce qu'en fait, elle a assisté à mes cours à l'ISTR et eux, ils ont fait leur test parce qu'ils avaient une formation. Elle était candidate libre, mais elle a souhaité subir mon jugement, mon verdict. Donc elle viendra demain. Tu vas passer un examen, Inch'Allah. On va réviser. Sur l'impartialité du chef. Anti-anxiogène, comment on est ? Les anxiolo. Ah oui, t'as pas vu là, je suis pas dans mon état normal. Ah, d'ici demain, tu perdras. Qui sur qui ? Sur le coup, on fait des choses. L'idée, c'est vrai que je connais. Ça sera comme ça. J'aimerais vraiment te présenter en fait ce que j'ai fait. Plus, hein. C'est quelque chose qui est inachevé. Non, mais ça prendra énormément de temps. J'aimerais avoir un point de vue. J'aimerais d'être synthétique. Assalamu alaikum.